Rencontre par Guy de Maupassant. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Rencontre à Édouard Rode. Ce fut un hasard, un vrai hasard. Le baron d'Étrailles, fatigué de rester debout, entra, tous les appartements de la princesse étant ouverts ce soir de fête, dans la chambre à coucher déserte et presque sombre au sortir des salons illuminés. Il cherchait un siège où dormir, certain que sa femme ne voudrait point partir avant le jour. Il aperçut dès la porte le large lit d'azur à fleurs d'or, dressé au milieu de la vaste pièce, pareil à un catafalque où aurait été enseveli l'amour, car la princesse n'était plus jeune. Par derrière, une grande tache claire donnait la sensation d'un lac vu par une haute fenêtre. C'était la glace, immense, discrète, habillée de draperies sombres qu'on laissait tomber quelquefois, qu'on avait souvent relevée. Et la glace semblait regarder la couche, sa complice. On eût dit qu'elle avait des souvenirs, des regrets, comme ces châteaux que hantent les spectres des morts, et qu'on allait voir passer sur sa face, unie et vide, ces formes charmantes qu'ont les hanches nues des femmes et les gestes doux des bras quand ils enlacent. Le baron s'était arrêté, souriant, un peu ému, au seuil de cette chambre d'amour, mais soudain quelque chose apparut dans la glace, comme si les fantômes évoqués eussent surgi devant lui. Un homme et une femme, assis sur un divan très bas, caché dans l'ombre, s'étaient levés. Et le cristal poli, reflétant leurs images, les montrait debout et se baisant aux lèvres avant de se séparer. Le baron reconnut sa femme et le marquis de Sérvigné. Il se retourna et s'éloigna en homme fort et maître de lui, et il attendit que le jour vînt pour emmener la baronne, mais il ne songeait plus à dormir. Dès qu'il fut seul avec elle, il lui dit « « Madame, je vous ai vue tout à l'heure dans la chambre de la princesse de Rennes. Je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage. Je n'aime ni les reproches, ni les violences, ni le ridicule. Voulant éviter ces choses, nous allons nous séparer sans bruit. Les hommes d'affaires régleront votre situation suivant mes ordres. Vous serez libre de vivre à votre guise, n'étant plus sous mon toit, mais je vous préviens que si quelque scandale a lieu, comme vous continuerez à porter mon nom, je serai forcé de me montrer sévère. » Elle voulut parler, il l'en empêcha, s'inclina et rentra chez lui. Il se sentait plutôt étonné et triste que malheureux. Il l'avait beaucoup aimée dans les premiers temps de leur mariage. Cette ardeur s'était peu à peu refroidie et maintenant il avait souvent des caprices, soit au théâtre, soit dans le monde, tout en gardant néanmoins un certain goût pour la baronne. Elle était fort jeune, 24 ans à peine, petite, singulièrement blonde et maigre, trop maigre. C'était une poupée de Paris, fine, gâtée, élégante, coquette, assez spirituelle, avec plus de charme que de beauté. Il disait familièrement à son frère, en parlant d'elle, « Ma femme est charmante, provocante, seulement elle ne vous laisse rien dans la main. Elle ressemble à ces verres de champagne où tout est mousse. Quand on a fini par trouver le fond, c'est bon tout de même, mais il y en a trop peu. » Il marchait dans sa chambre de long en large, agité et songeant à mille choses. Par moments, des souffles de colère le soulevaient et il sentait des envies brutales d'aller casser les reins du marquis ou le souffleter au cercle. Puis, il constatait que cela serait de mauvais goût, qu'on rirait de lui et non de l'autre, et que ses emportements lui venaient bien plus de sa vanité blessée que de son cœur meurtri. Il se coucha, mais ne dormit point. On apprit dans Paris quelques jours plus tard que le baron et la baronne d'Étrailles s'étaient séparés à l'amiable pour incompatibilité d'humeur. On ne soupçonna rien, on ne chuchota pas et on ne s'étonna point. Le baron, cependant, pour éviter des rencontres qui lui seraient pénibles, voyagea pendant un an, puis il passa l'été suivant au bain de mer, l'automne à chasser, et il revint à Paris pour l'hiver. Pas une fois il ne revit sa femme. Il savait qu'on ne disait rien d'elle. Elle avait soin au moins de garder les apparences. Il n'en demandait pas davantage. Il s'ennuya, voyagea encore, puis restaura son château de Villebosque, ce qui lui demanda 2 ans. Puis il y reçut ses amis, ce qui l'occupa 15 mois au moins. Puis, fatigué de ce plaisir usé, il entra dans son hôtel de la rue de Lille, juste 6 années après la séparation. Il avait maintenant 45 ans, pas mal de cheveux blancs, un peu de ventre, et cette mélancolie des gens qui ont été beaux, recherchés, aimés, et qui se détériorent tous les jours. Un mois après son retour à Paris, il prit froid en sortant du cercle et se mit à tousser. Son médecin lui ordonna d'aller finir l'hiver à Nice. Il partit donc un lundi soir par le rapide. Comme il arrivait en retard, il arriva alors que le train se mettait en marche. Il y avait une place dans un coupé, il y monta. Une personne était déjà installée sur le fauteuil du fond, tellement enveloppée de fourrures et de manteaux qu'il ne put même deviner si c'était un homme ou une femme. On n'apercevait rien d'elle qu'un long paquet de vêtements. Quand il vit qu'il ne saurait rien, le baron, à son tour, s'installa, mit sa toque de voyage, déploya ses couvertures, se roula dedans, s'étendit et s'endormit. Il ne se réveilla qu'à l'aurore et tout de suite il regarda vers son compagnon. Il n'avait point bougé de toute la nuit et il semblait encore en plein sommeil. Monsieur d'Étrailles en profita pour faire sa toilette du matin, brosser sa barbe et ses cheveux, refaire l'aspect de son visage que la nuit change si fort quand on atteint un certain âge. Le grand poète a dit « Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Quand on est jeune, on a de magnifiques réveils avec la peau fraîche, l'œil luisant, les cheveux brillants de sève. Quand on vieillit, on a des réveils lamentables, l'œil terne, la joue rouge et bouffie, la bouche épaisse, les cheveux embouillis et la barbe mêlée donnent au visage un aspect vieux, fatigué, fini. » Le baron avait ouvert son nécessaire de voyage et il rajusta sa physionomie en quelques coups de brosse. Puis il attendit. Le train siffla, s'arrêta, le voisin fit un mouvement, il était sans doute réveillé, puis la machine repartit. Un rayon de soleil oblique entrait maintenant dans le wagon et tombait juste en travers du dormeur qui remua de nouveau, donna quelques coups de tête comme un poulet qui sort de sa coquille et montra tranquillement son visage. C'était une jeune femme, blonde, toute fraîche, fort jolie et grasse. Elle s'assit. Le baron, stupéfait, la regardait. Il ne savait plus ce qu'il devait croire, car vraiment, on eût juré que c'était sa femme. Mais sa femme, extraordinairement changée, à son avantage, engraissée, autant que lui-même, mais en mieux. Elle le regarda tranquillement, parut ne pas le reconnaître, et se débarrassa avec placidité des étoffes qui l'entouraient. Elle avait l'assurance calme d'une femme sûre d'elle-même, l'audace insolente du réveil, se sachant, se sentant en pleine beauté, en pleine fraîcheur. Le baron perdait vraiment la tête. Était-ce sa femme ou une autre qui lui aurait ressemblé comme une sœur? Depuis 6 ans qu'il ne l'avait vue, il pouvait se tromper. Elle bâilla, il reconnut son geste, mais de nouveau elle se tourna vers lui et le parcourut, le couvrit d'un regard tranquille, indifférent, d'un regard qui ne sait rien. Puis elle considéra la campagne. Il demeura éperdu, horriblement perplexe. Il attendit, la guettant de côté avec obstination. Mais oui, c'était sa femme, morbleu. Comment pouvait-il hésiter? Il n'en avait pas deux avec ce nez-là. 1000 souvenirs lui revenaient. Des souvenirs de caresses, des petits détails de son corps, un grain de beauté sur la hanche, un autre au dos, en face du premier. Comme il les avait souvent baisés. Il se sentait envahi par une griserie ancienne, retrouvant l'odeur de sa peau, son sourire quand elle lui jetait ses bras sur les épaules, les intonations douces de sa voix, toutes ces câlineries gracieuses. Mais comme elle était changée, embellie, c'était elle et ce n'était plus elle. Il la trouvait plus mûre, plus faite, plus femme, plus séduisante, plus désirable, adorablement désirable. Donc cette femme étrangère, inconnue, rencontrée par hasard dans un wagon, était à lui, lui appartenait de par la loi. Il n'avait qu'à dire « je veux ». Il avait jadis dormi dans ses bras, vécu dans son amour. Il la retrouvait maintenant si changée qu'il la reconnaissait à peine. C'était une autre et c'était elle en même temps. C'était une autre, née, formée, grandie depuis qu'il l'avait quittée. C'était elle aussi qui l'avait possédée, dont il retrouvait les attitudes modifiées, les traits anciens plus formés, le sourire moins mignard, les gestes plus assurés. C'était deux femmes en une, mêlant une grande part d'inconnu nouveau à une grande part de souvenirs aimés. C'était quelque chose de singulier, de troublant, d'excitant, une sorte de mystère d'amour où flottait une confusion délicieuse. C'était sa femme dans un corps nouveau, dans une chair nouvelle que ses lèvres n'avaient point parcourue. Et il pensait, en effet, qu'en 6 ans, tout change en nous. Seul le contour demeure reconnaissable, et quelquefois même, il disparaît. Le sang, les cheveux, la peau, tout recommence, tout se reforme. Et quand on est demeuré longtemps sans se voir, on retrouve un autre être tout différent, bien qu'il soit le même et qu'il porte le même nom. Et le cœur aussi peut varier, les idées aussi se modifient, se renouvellent, si bien qu'en 40 ans de vie, nous pouvons, par de lentes et constantes transformations, devenir 4 ou 5 êtres absolument nouveaux et différents. Il songeait, troublé jusqu'à l'âme, la pensée lui vint brusquement du soir où il l'avait surprise dans la chambre de la princesse. Aucune fureur ne l'agita. Il n'avait pas sous les yeux la même femme, la petite poupée maigre et vive de jadis. Qu'allait-il faire? Comment lui parler? Que lui dire? L'avait-elle reconnue, elle? Le train s'arrêtait de nouveau. Il se leva, salua et prononça « Berthe, n'avez-vous besoin de rien? Je pourrais vous apporter. » Elle le regarda des pieds à la tête et répondit sans étonnement, sans confusion, sans colère, avec une placide indifférence « Non, de rien, merci. » Il descendit et fit quelques pas sur le quai pour se secouer comme pour reprendre ses sens après une chute. Qu'allait-il faire maintenant? Monter dans un autre wagon? Il aurait l'air de fuir, se montrer galant, empressé. Il aurait l'air de demander pardon. Parler comme un maître, il aurait l'air d'un goujat. Et puis vraiment, il n'en avait plus le droit. Il remonta et reprit sa place. Elle aussi, pendant son absence, avait fait vivement sa toilette. Elle s'est étendue maintenant sur le fauteuil, impassible et radieuse. Il se tourna vers elle et lui dit « Ma chère Berthe, puisqu'un hasard bien singulier nous remet en présence après 6 ans de séparation sans violence, allons-nous continuer à nous regarder comme 2 ennemis irréconciliables? Nous sommes enfermés en tête à tête, tant pis ou tant mieux, moi je ne m'en irai pas, donc n'est-il pas préférable de causer comme des amis jusqu'au terme de notre route ?» Elle répondit tranquillement « Comme vous voudrez. » Alors, il demeura court, ne sachant que dire, puis, ayant de l'audace, il s'approcha, s'assit sur le fauteuil du milieu et d'une voix galante « Je vois qu'il faut vous faire la cour, soit, c'est d'ailleurs un plaisir, car vous êtes charmante. Vous ne vous figurez point comme vous avez gagné depuis 6 ans. Je ne connais pas de femme qui m'ait donné la sensation délicieuse que j'ai eue en vous voyant sortir de vos fourrures tout à l'heure. Vraiment, je n'aurais pas cru possible un tel changement. » Elle prononça, sans remuer la tête et sans le regarder, « Je ne vous en dirai pas autant, car vous avez beaucoup perdu. » Il rougit, confus et troublé, puis, avec un sourire résigné, « Vous êtes dur. » Elle se tourna vers lui. « Pourquoi ? Je constate. Vous n'avez pas l'intention de m'offrir votre amour, n'est-ce pas ? Donc, il est absolument indifférent que je vous trouve bien ou mal. Mais je vois que ce sujet vous est pénible. Parlons d'autre chose. Qu'avez-vous fait depuis que je ne vous ai vu ?» Il avait perdu contenance, il balbutia « Moi, j'ai voyagé, j'ai chassé, j'ai vieilli, comme vous le voyez. Et vous ?» Elle déclara avec sérénité « Moi, j'ai gardé les apparences, comme vous l'aviez ordonné. » Un mot brutal lui vint aux lèvres, il ne le dit pas, mais prenant la main de sa femme, il la baisa, et « Je vous en remercie. » Elle fut surprise. Il était fort, vraiment, et toujours maître de lui. Il reprit, « Puisque vous avez consenti à ma première demande, voulez-vous maintenant que nous causions sans aigreur ?» Elle eut un petit geste de mépris. « De l'aigreur, mais je n'en ai pas. Vous m'êtes complètement étranger. Je cherche seulement à animer une conversation difficile. » Il la regardait toujours, séduit malgré sa rudesse, sentant un désir brutal l'envahir, un désir irrésistible, un désir de maître. Elle prononça, sentant bien qu'elle l'avait blessé et s'acharnant, « Quel âge avez-vous donc aujourd'hui ? Je vous croyais plus jeune que vous ne paraissez. » Il pâlit, « J'ai 45 ans. » Puis il ajouta, « J'ai oublié de vous demander des nouvelles de la princesse de Rennes. Vous la voyez toujours ?» Elle lui jeta un regard de haine. « Oui, toujours. Elle va fort bien. Merci. » Ils demeurèrent côte à côte, le cœur agité, l'âme irritée. Tout à coup, il déclara, « Ma chère Berthe, je viens de changer d'avis. Vous êtes ma femme, et je prétends que vous reveniez aujourd'hui sous mon toit. Je trouve que vous avez gagné en beauté et en caractère, et je vous reprends. Je suis votre mari, c'est mon droit. » Elle fut stupéfaite et le regarda dans les yeux pour y lire sa pensée. Il avait un visage impassible, impénétrable et résolu. Elle répondit, « Je suis bien fâchée, mais j'ai des engagements. » Il sourit, « Tant pis pour vous, la loi me donne la force, j'en userai. » On arrivait à Marseille, le train sifflait, ralentissant sa marche. La baronne se leva, roula ses couvertures avec assurance, puis, se tournant vers son mari, « Mon cher Raymond, n'abusez pas d'un tête-à-tête que j'ai préparé. J'ai voulu prendre une précaution, suivant vos conseils, pour n'avoir rien à craindre, ni de vous, ni du monde, quoi qu'il arrive. Vous allez à Nice, n'est-ce pas ? J'irai ou vous irez. Pas du tout, écoutez-moi, et je vous promets que vous me laisserez tranquille. Tout à l'heure, sur le quai de la gare, vous allez voir la princesse de Rennes et la comtesse Henriot, qui m'attendent avec leur mari. J'ai voulu qu'on nous vît ensemble, vous et moi, et qu'on sût bien que nous avons passé la nuit seuls dans ce coupé. Ne craignez rien. Ces dames le raconteront partout, tant la chose paraîtra surprenante. Je vous disais tout à l'heure que, suivant en tout point vos recommandations, j'avais soigneusement gardé les apparences. Il n'a pas été question du reste, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pour continuer que j'ai tenu à cette rencontre. Vous m'avez ordonné d'éviter avec soin le scandale. Je l'évite, mon cher, car j'ai peur. J'ai peur. » Elle attendit que le train fût complètement arrêté, et comme une bande d'amis s'élançait à la portière et l'ouvrait, elle acheva. « J'ai peur d'être enceinte. » La princesse tendait les bras pour l'embrasser, la baronne lui montrant le baron stupide d'étonnement et cherchant à deviner la vérité. « Vous ne reconnaissez donc pas Raymond ? Il est bien changé, en effet. Il a consenti à m'accompagner pour ne pas me laisser voyager seule. » Nous faisons quelquefois des fugues comme cela en bons amis qui ne peuvent vivre ensemble. Nous allons d'ailleurs nous quitter ici. Il a déjà assez de moi. » Elle tendait sa main, qu'il prit machinalement, puis elle sauta sur le quai au milieu de ceux qui l'attendaient. Le baron ferma brusquement la portière, trop ému pour dire un mot ou pour prendre une résolution. Il entendait la voix de sa femme et ses rires joyeux qui s'éloignaient. Il ne l'a jamais revue. Avait-elle menti ? Disait-elle vrai ? Il l'ignora toujours. Guy de Maupassant.